indépendance énergétique. Agissons maintenant avec la chaleur renouvelable. L'ADEME vous explique pourquoi la chaleur renouvelable est profitable avec Hervé Olivier, directeur général de la scierie Germain Mougenot. Chez Germain Mougenot, on est à fond chaleur. Pour diversifier notre activité, nous transformons nos déchets de production en granulés de bois. La chaufferie biomasse, qui alimente ce procédé sans recours aux énergies fossiles, a été financée à 56% par le Fonds Chaleur. Vous êtes à fond pour l'indépendance énergétique ? Rendez-vous sur fondschaleur.adem.fr. Ouais, salut Fred et toute l'équipe des Blockbusters. Alors, un petit compliment. Le Blockbusters, là, le dernier sur Mad Max, un pur kiff. Vraiment, vraiment. Moi, j'avais appris et réappris beaucoup de choses et second compliment concernant donc la manière dont on envisage un film à la sortie, dont on peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier et quelques années plus tard, à travers le prisme d'une actualité ou de plusieurs choses ou de l'apprentissage de la vie, on va dire, le revoir, le reconsidérer. Je trouve que cette manière dont tu as pu réévoquer, reconsidérer justement le film Fury Road et le dire à l'antenne, en tout cas, était une marque d'honnêteté et c'est assez rare pour, voilà, quoi, pour le signaler. Et je vais regarder les quatre, enfin les trois premiers notamment, surtout. Je vous embrasse fort et merci beaucoup pour cette émission. Bisous, ciao. Salut Frédéric et toute l'équipe. Je voulais vous dire que j'adore ce que vous faites. Alors, j'ai écouté ou réécouté tous les épisodes depuis la décision de l'émission et je me suis régalée. Alors, j'ai surtout aimé celui sur Hunger Games et grâce à vous, j'ai aussi découvert Lovecraft. Merci, continuez comme ça et vive Blockbuster. Not to be. Franchement, l'homme augmenté, c'est de la science-fiction. Déjà, les syndicats vous diraient sûrement qu'il vaut mieux augmenter les salaires que les capacités. Mais c'est surtout que plus le temps passe, et plus je me dis qu'un éventuel progrès de l'humanité se fera en réapprenant des gestes et des pratiques que l'on n'a plus, plutôt qu'en développant la capacité d'envoyer un mail en se grattant le nez. Le futur qui nous pend au nez, c'est moins Terminator ou Matrix que Wall-E. Une génération d'humains au physique de bébé adulte, entourés par des myriades d'écrans et d'assistants connectés, incapables de faire 100 mètres sans faire un AVC. Les voitures volantes, les membres cybernétiques, les puces dans le crâne, autant de contenus additionnels fantasmés censés nous permettre de sous-traiter toujours plus ce qu'on rechigne à faire. Alors je sais, vous allez dire « Oh Frédéric, il est réac !» Mais je suis prêt à prendre le pari que dans 20 ans, un homme ou une femme en autonomie alimentaire, sans voiture et sans wifi, ça nous fascinera plus qu'Elon Musk qui fait du tuning sur Mars. Dans le futur, c'est pas Blade Runner qui continuera de nous émerveiller, mais Charles Ingalls qui coupe du bois dans la petite maison de la prairie. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça. Frédéric Sigrist. Waouh ! Reconnais quand même que c'est un spectacle assez étonnant. À chaque fois que je viens m'allonger ici pour contempler cette cité, je me dis qu'il faudra bien que j'y aille un jour. Je me demande à quoi ressemblent les gens qui sont autorisés à y vivre. Mon frère a construit une montgolfière pour essayer de l'atteindre, mais ils l'ont détruite en guise de punition. Bientôt, quand j'aurai mis de côté un maximum d'argent, je pourrai enfin y aller. En toute légalité. Tu peux m'expliquer ce qui te fait rire de cette façon? Toi, t'es plus drôle à regarder que cette vieille cité. Cette vieille cité est belle comparée à ce paysage. Remarque, ça n'a rien de surprenant quand on sait que Zalem nous envoie ses ordures sur la tête depuis des lustres. Chez eux, c'est propre, puisqu'ils jettent leurs déchets sur nous. C'est la raison pour laquelle la terre est devenue aussi sale. Oh, je comprends mieux maintenant. On dirait que tu n'as vraiment aucune idée de ce que les gens d'ici supportent à cause des habitants de Zalem. Je ne suis pas au courant. Ma mémoire a été détruite. Ah bon? Gali est un nom d'emprunt. C'est Ido qui me l'a donné. Ah. Ne sois pas triste. C'est peut-être mieux ainsi. En perdant la mémoire, on évite de revivre sans cesse les dramatiques événements qu'on a vécus. En 1995, à une époque où le manga n'était pas encore si populaire qu'il ne l'est aujourd'hui, la France a vu arriver dans ses librairies une saga de science-fiction absolument passionnante, Gunm. Contraction de Gun and Dream, cette arme qui rêve, c'est la cyborg Gally, arme de guerre redoutable au physique de ballerine robotisée. Gunm, aux côtés d'Akira, de Katsuhiro Otomo et d'Appleseed, de Masamune Shiro, constituait une vitrine incroyable de la SF vue par le pays du soleil levant. 32 ans plus tard, Yukito Kishiro continue de nous faire découvrir l'univers de sa célèbre androïde avec Gunm Mars Chronicle. Et pour revenir sur cette saga culte, j'ai avec moi Valentin Paco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé culture pop. C'est ça. D'ailleurs, aujourd'hui, autour de la table, j'ai un petit peu les quatre mousquetaires de la culture populaire en France. Loïc Chéry, bonjour. Bonjour. Journaliste et spécialiste de la science-fiction, vous animez le podcast hebdomadaire, c'est plus que de la SF. C'est ça. Et vous êtes venu avec votre veste aussi. Ouais, la veste bleue aujourd'hui. Voilà. Avec nous également, et je suis ravi de le recevoir une première fois, Jérôme Lachasse, bonjour. Salut. Voilà, vous êtes journaliste travaillant à BFMTV.com et vous animez voilà des articles de fond toujours très bien écrits chaque semaine. Merci. Avec nous, de retour évidemment, Mathieu Pinon, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes, bonjour à tous. Journaliste spécialisé en pop culture japonaise et vous venez de sortir Manuel de survie du touriste à Tokyo aux éditions Initial. Exactement. Un excellent manuel pour ceux qui voudraient visiter le Japon. Je vous remercie, que des bons petits conseils. Ensemble, on va revenir sur l'histoire du manga Gunm et sur son auteur Yukito Kishiro. Quel a été l'apport de Gunm au développement du manga en France? Comment cette série demeure aussi pertinente trois décennies plus tard? Que penser des adaptations qui en ont été faites? Bref, rappelez pendant plus d'une heure que Gunm est un manga qu'il faut avoir lu. En fait, on ne se connaît pas encore. Dr. Dyson Ido, Nurse Gerhardt. Je suis le docteur Dyson Ido. Je te présente Mademoiselle Gerhardt. Do you know who I am? Et vous savez qui je suis? We were hoping you'd fill in. Je t'avoue que nous espérions un peu que tu allais nous éclairer à ce sujet. Since you're a total sur un cyborg intégral dont la majeure partie du corps bionique a été détruit, ce qui est ton cas, on ne peut pas récupérer ce genre d'informations. Même si ton cerveau bien humain, lui, était miraculeusement intact. Théoriquement, tu devrais avoir des souvenirs. Oh. Bah, it's still pretty blank. C'est encore un peu flou. C'était un extrait de Battle Angel Alita de Robert Rodriguez, mais on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Alors, Mathieu Pinon, première question. Qui est Yukito Kishiro, s'il vous plaît? Alors, Yukito Kishiro, il est né en 1967 à Chiba. Alors, Chiba, c'est pas très loin de Tokyo. En fait, Tokyo est au nord-ouest de la baie de Tokyo. Chiba est juste en face, au nord-est. Et comme il est en 67, dans les années 75 à 85, il va vraiment lire les grands noms du manga. Ça va le passionner. Lui-même le dit, il y a trois auteurs qui vont l'influencer. Il y a Leiji Matsumoto, parce que ça va lui apprendre tout ce qui va parler de morale, d'éthique. Il y a pour les néophytes, je rappelle Leiji Matsumoto qui est le créateur d'Albator, Buichi Terasawa qui est le créateur de Cobra. Lui, c'est pour le côté imagination et surtout le détail dans les graphismes. Et enfin Rumiko Takahashi qui a créé Juliette Jutem, Ranma 1/2, qui a fait comprendre l'importance des personnages et de leur charisme. Et donc il dessine. Au début, il est pas très très doué avec les représentations de corps humain. C'est pour ça que son premier manga, ça va être une espèce de fresque animalière. Il va faire les Beaux-Arts, et entre 87 et 97, il va commencer à avoir une carrière professionnelle, donc il va dessiner chez Shogakukan. Seulement, Shogakukan, ça se passe assez bien. Il y a Shueisha qui arrive, qui fait « C'est bien ce que tu fais, mon coco !» Shogakukan et Shueisha étant deux maisons d'édition consoeurs, Shueisha rachète tout le catalogue et l'embauche pour faire Gunm, et donc il va commencer à dessiner Gunm dans le magazine Business Jump à partir des années 90, et le manga durera jusqu'en 95, et je pense qu'on aura l'occasion de parler un peu plus de sa carrière dans le restant de l'émission. Valentin Paco, on le voit initialement, Yukito Kishiro disait lui-même qu'il avait du mal à dessiner, qu'il avait du mal à faire des personnages de type humain. Mais comment, à quel moment il y a eu une sorte de virage et où on s'est vraiment dit là on a affaire à quelqu'un qui est en train de révolutionner la science-fiction venue du Japon? Bah avant, en fait, il dit qu'il a du mal à dessiner, mais on n'est pas forcément tous d'accord sur sur ça. Moi, enfin, ses premiers dessins, je trouvais ça mieux que ce que moi je fais aujourd'hui à mon âge d'adulte. Donc, faut placer dans un référentiel. Il dit qu'il avait du mal à dessiner. Oui, il est un peu dur avec lui-même. Il a dessiné énormément. Il s'est lancé plein de fois dans sa vie des défis. Pour son premier concours, il avait fait plus d'un manga de 1000 pages. Enfin, il avait scénariser 1000 pages complètes et pas juste des croquis, hein, vraiment 1000 pages avec mise en scène et tout. Donc vraiment, enfin, c'est un travailleur acharné. Je pense qu'on en reparlera tout du long de cette chronique. Mais donc voilà, donc il savait pas dessiner. Je serais pas forcément sur la même vision. Il se comparait avec des grands noms ou des choses animées et c'était difficile de se comparer un dessin à de l'animation. Mais non, pour moi, il était déjà bon. Et d'ailleurs, cette humilité qu'on sent dans cette manière de parler de lui, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent parce que même aujourd'hui, quand il se définit au Japon, il dit je suis pas populaire, j'ai pas de succès. Alors que Gunm est quand même une des premières grosses œuvres qui sont arrivées en France. Et pour les lecteurs de manga, Yukito Kishiro, c'est vraiment le haut du panier, logiquement. Bah, complètement, mais on en revient à cette question de référentiel. Il c'est pas le best-seller ultime au Japon, si on compare à un Toriyama, si on compare à un Oda, si on compare à une Rumiko Takahashi ou un Mitsuru Adachi. Il est pas dans le top des 200 plus grandes ventes. C'est sûr et certain. Il vend presque autant en Europe et aux États-Unis qu'au Japon. Quand on compare les marchés, c'est assez paradoxal. Et donc là-dessus, oui, mais ça s'est très bien vendu au début. Hein. Sa première série n'a pas été arrêtée. C'est lui, on en reparlera, c'est lui qui a dû mettre une fin un peu éphémère. Ça marchait. Donc si ta série marche et continue, c'est que c'est populaire, suffisamment populaire. C'est arrivé en France au bon moment pour cette série, parce qu'on passait de la transition de la fin des années Club Dorothée, La 5 et des dessins animés. Les premiers mangas de cet héritage étaient sortis. Et Gunm, c'est un des premiers mangas originaux publiés au format manga, ce qu'on avait eu avant du Akira, mais qui était publié au format BD, en couleur, page à l'envers et acheté de l'édition américaine. Gunm a été acheté directement au Japon. C'est pour ça que lui, on est une des seules éditions au monde à conserver le nom japonais Gunm et pas être parti sur Battle Angel Alita. Et ça a été un succès instantané en France. Pour Atipinon. Pour aller un peu plus loin de ce que disait Valentin par rapport au référentiel, quand Kishiro a fait Gunm dans le Business Jump, les ventes du Business Jump ont grimpé en flèche pour atteindre environ 700 000 exemplaires vendus à chaque fois. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est capable de tirer ce magazine vers 700 000 exemplaires. Mais à la même période, on avait le Shonen Jump qui, lui, tirait à plusieurs millions d'exemplaires chaque semaine avec des gens comme Akira Toriyama et Dragon Ball. Donc, c'est sûr que s'il se compare en termes de vente au leader du Shonen Jump, il va se sentir, entre guillemets, inférieur. Mais on parle quand même de quelqu'un qui est capable, avec sa BD, de tirer un magazine vers 500, 600, 700 000 ventes. Donc, c'est pas rien. Jérôme Lachasse, est-ce qu'on le voit, le succès de Gunm en Occident a été un peu plus important proportionnellement qu'au Japon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique que tout de suite le public européen s'est plutôt retrouvé dans Gunm? Il y a plusieurs choses. Valentin l'a un peu dit. C'est vrai que quand le manga arrive, dans les années 90, ça fascine beaucoup de gens. Mais il y a aussi l'OAV qui arrive, c'est un des premiers qui arrive en France, et ça marque énormément de gens. Il y a énormément de gens qui continuent même d'en parler aujourd'hui, qui continuent à parler à quel point ça les a marqués, même s'il y a des défauts dans cette OAV. Et il y a aussi autre chose. C'était un dessin animé directement destiné à la vidéo. Oui. Et d'ailleurs, c'était Nobuteru Yuki oui, qui avait déjà fait les chroniques de la guerre de Lodos. Pour Car Design, oui. Oui, qui s'occupait du design. Et Rintaro. À la réalisation. Et Kaoru Wada à la musique. Oui. L'autre chose qui va aussi beaucoup marquer à l'époque, et qui est très important de mentionner, c'est que c'est le personnage en lui-même de Gali, puisque c'est une héroïne dans un contexte de SF. C'est assez rare, malgré tout, qu'il y ait des héroïnes de SF aussi charismatiques. En France, on avait Laureline, mais c'est vrai que dans ce qu'on avait pu voir à l'époque des mangas, c'était assez rare. Et je me souviendrai toujours de ce que m'avait dit Pauline Croquet, qui est journaliste au Monde, qui est une très bonne journaliste qui parle de manga, et qui, quand Kishiro était venu à Angoulême, elle avait confié son amour pour Gunn et à quel point ça l'avait marqué, à quel point ça l'avait construit en fait de découvrir dans un manga une héroïne qui lui ressemblait et de pas que c'était pas toujours quelqu'un comme Bulma. Bon, évidemment, c'est un personnage qui a aussi ses défauts dans la représentation féminine, mais il y avait quand même quelque chose qui à l'époque avait beaucoup marqué aussi les lectrices, qui pouvaient enfin se reconnaître dans une héroïne. Il y a une non-sexualisation de ce personnage principal. Ah, je suis pas sûr. Au début. Je suis pas certain, parce qu'il y a quand même des manières dont elle est représentée. Elle a quand même ce truc aussi des héroïnes de comics où on l'a oublié de lui dessiner une colonne vertébrale. Et du coup, elle se tord un peu dans les sens. Pour le coup, c'est un cyborg, donc techniquement, elle pourrait... Mais... Tu joues sur les mots. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, et ça mord un peu sur une des questions qui va venir, mais au niveau du dessin, elle va avoir des lèvres assez pulpeuses, qui est aussi un trait qu'on retrouve souvent dans ce genre d'héroïne, hein, pour les sursexualiser. En fait, ce qui est rigolo, c'est que Kishiro en fait, a fait ça. C'était en opposition en fait à Shiro, qui est l'auteur de Ghost in the Shell, qui lui avait des personnages avec des lèvres très fines, et donc en fait pour un peu se différencier et qui ont des personnages féminins bien plus sexualisés pour le bien coup, plus sexualisés évidemment ceux... et pour se distinguer absolument de cet auteur qui en plus est dans un genre assez similaire, il avait donc fait que son personnage ait ses grosses lèvres, et on remarquera aussi que le personnage a aussi un nez, ce qui est aussi assez rare dans les personnages féminins d'avoir des nez prononcés. Elle a un petit nez quand même qu'on remarque quand elle est dessinée de face. Donc il y a quand même des traits qui montrent que le personnage avait quand même une conscience de représenter un personnage féminin qui se différenciait de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu peux être gracieux sans être sexualisé. Ah, ça c'est la suite du débat qui va pouvoir se poursuivre tout au long de l'émission. L'œil Cherry, évidemment, Gunn, c'est une œuvre phare de la science-fiction. Qu'est-ce qui est apparu ? Qu'est-ce qui a su recréer intelligemment Kishiro avec Gunn au niveau de la SF ? Alors, c'est une très bonne question. Ce qui est intéressant avec Gunn, c'est que c'est une œuvre de science-fiction qui va aller sur plusieurs genres de la SF. Quand on pense à Gunn, on pense évidemment au cyberpunk, qui était le genre à la mode dans les années 80 et 90. C'est le dernier grand genre de la science-fiction littéraire qui va avoir un impact dans la pop culture, que ce soit au cinéma ou dans les bandes dessinées. Donc Gunn, c'est du cyberpunk, mais pas que. Il y a aussi du post-apo, il y a aussi du space opéra, il y a de la dystopie, il y a des choses qu'on commençait à apparaître avoir dans les années 90 comme du nanopunk. Donc Gunn, en fait, c'est une œuvre beaucoup plus large en termes science-fiction. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand elle arrive en France, elle arrive entre guillemets en concurrence avec deux autres grandes œuvres de chez Glénat aussi, qui est Akira et qui est Ghost in the Shell. Et puis on peut aussi ajouter Appleseed. Et en fait, on voit que Gunn est vraiment très très différent et a cette grande qualité d'arriver à parler à un public occidental, notamment la partie, on va y revenir, je pense, la partie du Motorball, qui est évidemment une référence, alors pas vraiment, c'est une fausse référence à Rollerball, mais ça fait évidemment penser à ça, et on voit que finalement... Et qui est plus une référence à Cobra... Tout à fait, qui est une référence à Cobra, et on voit que Gunn, c'est évidemment plus que de la SF, ça va faire rire hein, et les amis qui sont autour de la table, mais ce qui est intéressant, c'est que Kishiro, lui, ne connaît pas très très bien la science-fiction, j'ai pu l'interviewer dessus, sur le podcast, et c'est vrai que quand on lui dit qu'il fait du cyberpunk, il dit je sais pas vraiment ce que c'était. Parce que pour lui, le cyberpunk est rattaché aux ordinateurs et aux univers vraiment numériques, c'est alors ça. Que pour lui, il y avait vraiment une conception très mécanique. C'est ça. D'ailleurs, le corps de Gali est retrouvé dans une décharge, et donc c'est vraiment de la mécanique et un travail sur le corps qui est beaucoup plus important que ces univers virtuels qu'on pourrait imaginer avec le cyberpunk. Quand on voit ces références, elles vont plutôt être de la science-fiction classique, puisqu'il a été influencé par Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et par Frankenstein. Donc, ils sont deux grandes œuvres très classiques de la SF. Et aussi Cyborg 009. Et un peu Mad Max. Où il dit qu'il a pompé sur Mad Max. Mais quand on lui pose la question de est-ce qu'il s'inspirait de Blade Runner, qui est l'autre grande œuvre de cyberpunk des années 80 qui a inondé tout le monde, il dit que pas du tout, et qu'il a pas aimé le film parce qu'il a vu une des premières versions où la fin était différente. Donc c'est assez intéressant parce que des fois on va lui poser des questions en lui disant mais vous faites écho à ça, ça et ça, comme Motorball par exemple, ou Blade Runner, on peut se dire c'est un hommage, et bien pas du tout. Si je peux me permettre, en fait, Gunn commence vraiment à toutes les apparences d'un titre cyberpunk, parce que quand on parle de cyberpunk, c'est cyber plus punk, le cyber il va tout le côté cybernétique, et le punk c'est justement le côté lutte des classes, on est dans un monde où le capitalisme a pris le pouvoir, et on a vraiment une classe haute et une classe basse, et donc Gunn, pour ceux qui ne connaîtraient pas, commence avec une terre qui a subi un cataclysme suite à un impact avec une météorite, l'humanité a survécu tant bien que mal, Et ça commence avec, il y a une ville céleste qui s'appelle Zalem, et cette ville jette déverse quotidiennement ses détritus en dessous, et donc il y a une gigantesque décharge. Et donc on a bel et bien, tu vois, cette espèce de schisme entre les gens riches qui sont dans la ville céleste et les gens pauvres qui vivent dans la décharge. Et dans cette décharge, un docteur cybernéticien qui a le cœur sur la main, qui dépanne tout le monde, trouve un jour parmi les détritus un crâne et le haut d'un torse d'un cyborg qui va réveiller, et donc il va faire renaître à la vie une petite cyborg qui n'a plus de mémoire, qui s'appelle Gali. Et cette cyborg va, en fur et à mesure qu'elle va retrouver sa mémoire, va se rendre compte qu'elle a vraiment un passé qui est très très lourd. Ça, on va l'expliquer un petit peu plus en avant. Ce qui fait que, outre les titres qu'a cité Lloyd comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, moi je vois aussi beaucoup le mythe de Pinocchio dans Gali, avec Ido qui est un petit peu comme Gepetto, et Gali qui va être comme Pinocchio, une marionnette qui peu à peu va retrouver non pas une humanité, mais un passé. Et va se rappeler qu'elle a été une grande guerrière céleste, enfin cosmique auparavant. Mais il n'y a pas que des références littéraires et cinématographiques, et puis il y a aussi Star Wars aussi, mais en fait, tout ça, en fait, c'est inspiré de sa vie. Parce que lui, en fait, comme beaucoup de mangaka, en fait, il s'inspire du contexte dans lequel il naît. L'auteur de l'Attaque des Titans, il a grandi dans une vallée, il y a des montagnes autour de lui, donc c'est ce qu'il a fait aussi dans son manga. Et lui, c'est pareil, en fait, il vit dans un endroit qu'un développement. Aujourd'hui, son département, il est très développé, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait que des petites constructions, les forêts, elles étaient rasées, il y avait des marais comblés, il y avait très peu d'habitants. Et en fait, lui, il jouait autour de cet univers un peu dévasté, et c'est ce qui l'a inspiré, en fait, pour faire cet univers post-apocalyptique. Pareil pour cet univers de ferraille et de décharge, en fait, parce que son père travaillait. Voilà, il adorait aussi les voitures, il construisait des voitures, il y avait ce. Donc tout ça vient, c'est un peu autobiographique aussi. Oui, parce que son père n'a jamais eu de voiture neuve, et il s'est même amusé à construire une sorte de landau mécanique avec des pièces de récup qu'il avait dans la carrosserie, si je dis bien. Et c'est assez rigolo parce que c'est un type qui n'a pas du tout de nostalgie, qui ne pense pas au passé, et en même temps, sa grande œuvre est entièrement construit, déterminé par d'où il vient, et s'il n'était pas né là, il n'aurait jamais fait Gum. Et effectivement, c'est que ce côté punk, qu'on pourrait penser être le fil rouge de l'intrigue, va très très vite disparaître pour prendre. Enfin, Gun va prendre une dimension space opéra qui est beaucoup plus grande. Donc, on a l'impression de lire un manga cyberpunk au début, alors qu'en fait, pas du tout, ça va au-delà de ce simple genre. Excuse-moi, Valentin. Je voulais dire aussi, du coup, au-delà de la situation géographique, il y avait aussi la situation économique, parce que quand ils sont arrivés à Chiba, son père, qui a changé plusieurs fois de travail, il était boucher à Tokyo avant, il y a eu une grosse épidémie de grippe porcine, ils ont abandonné la boucherie, ils sont repartis, il finit carreleur plus tard, et sa mère travaillait aussi aidait à la maison en fabriquant des parapluies et en mettant les stylos à billes, en mettant la pointe de la bille et le petit bout de plastique qui va avec, donc parce qu'il n'y avait pas encore des grosses chaînes d'assemblage comme on a aujourd'hui. Et donc tout ça, on va le retrouver, ce côté bric et broc et cette lutte des classes, parce qu'il est vraiment, il a connu un tout petit peu Tokyo quelques années, très très jeune, donc pas des grands souvenirs, mais il part d'un endroit propre avec des grands immeubles. Il arrive dans cette zone en construction et dans une situation beaucoup plus pauvre où il faut faire avec ce qu'on a. Et tout ça, c'est une évocation personnelle. Il va faire, il s'auto-psychanalyse dans Game. Et puis il y a aussi une relation, il y a aussi une évocation de la situation géopolitique entre le Japon et les États-Unis, un peu dans cette relation entre les différents. Ça évoque ça. Et on peut développer ? Oui, en fait, ce qu'on observe, c'est que les gens de la décharge ont des noms japonais, par exemple. Et les gens de Zalem, donc du haut, ont un profil très américanisé. Ils sont tous blancs, presque, blond, au blond, oui. Aux yeux bleus. Il y a tout un côté sur le... Finalement, vous le savez, je pense que ça a déjà été dit plusieurs fois sur Blockbuster, c'est que le Japon revit aussi son traumatisme post-Seconde Guerre mondiale, avec soit des séquences de destruction, soit avec des visions apocalyptiques. Et il y a quelque chose comme ça dans Gum, qui est quand même un manga d'un point de vue qui est assez lourd, moralement parlant. C'est-à-dire qu'on voit des choses horribles. De toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai déjà traité le sujet dans l'émission, on a eu des mangas comme Berserk, qui sont très très très sombres, mais pendant très très longtemps, l'alpha et l'oméga de la noirceur en manga paru en France, c'était Gum, parce que... les personnages vivent tous des tragédies qui sont absolument terribles. Et puis même, faut se rappeler le contexte dans lequel Gunn est sorti. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, parce qu'on a parlé d'Akira. Mais en fait, Akira donc était au format bande dessinée cartonnée couleur. Glenna, qui avait apporté Akira, s'est rendu compte, avec l'essor du Club Dorothée, qu'il y avait vraiment un marché à prendre sur les titres qui ont fourni les séries qui cartonnaient sur le Club Dorothée. Et donc, entre 93 et 95, les premiers mangas qu'on a vu sortir au format manga qu'on connaît en Kobon, format poche noir et blanc, c'était Dragon Ball, Dr. Slump, Sailor Moon, Ranma à demi. Et arrivé juste derrière, Gunm. Alors là, on a fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne connaît pas le dessin animé. Donc pour beaucoup déjà, ça a été la révélation de « Ah, c'est un manga original, on peut créer des bandes dessinées sans que ce soit lié avec un dessin animé. » Et puis surtout, mais par rapport aux cabrioles de Son Goku, c'était extrêmement noir. Les deux premiers tomes de Gunm. Oui, il y a notamment le premier ennemi de Gally, Makaku, qui vit dans les égouts et qui attaque les gens la nuit pour leur sucer le cerveau. Voilà, c'est quand c'est pas des flaques d'huile, c'est des flaques d'hémoglobine qui tachent les pages de Gunm. Et donc oui, ça a été une première révélation pour beaucoup de monde. Ça a été le premier choc manga au sens « Ah, d'accord, on peut parler non pas avec des histoires qui sont, on va dire enfantines, mais suffisamment ludiques pour être transposées en dessin animé. On peut aussi parler sérieusement avec des thèmes dark et sombres. » Et ça reflétait totalement. Il y avait une grande vague de science-fiction. Je crois que c'est à l'époque où Pocket cartonnait en science-fiction de Noël avec Présence du Futur. Ça marchait très très bien. Gunn est vraiment arrivé en 95 à un moment... parfait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un énorme contraste dans le personnage de Gally qui commence son histoire vierge de tout, qui a perdu la mémoire. Elle est très innocente, elle a ses grands yeux, cette petite bouche de poulpe. Voilà, on dirait vraiment une petite ballerine dans un monde complètement apocalyptique, industriel, sans foi ni loi. Et par contre, ce dont on n'a pas encore évoqué, c'est l'art aussi de Kishiro de mettre en scène le mouvement et les affrontements. Parce que je sais que quand j'ai lu pour la première fois Gunn quand c'est sorti en France, ce qui m'a avant tout marqué, je dois l'avouer, avant même c'est que les combats, la mise en scène était hyper impressionnante. Moi, je me souviens encore du Grim Cutter de Makaku, c'était des grandes griffes comme ça avec des sortes de spirales et Gally qui évolue au milieu de tout ça pour se battre avec un cyborg qui est beaucoup plus grand et plus fort qu'elle. Et pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner, Valentin Pacou, on est d'accord qu'il y a un art consommé de la mise en scène. Complètement. Là, on en revient encore une fois. Hein. C'est un acharné de travail. On pourrait dire ça de grand nombre de mangaka, mais lui particulièrement. Et il a toujours eu ce doute. On disait tout à l'heure qu'il s'était lancé des défis. Il essayait de convaincre au départ ses parents de pouvoir faire carrière, hein, qui étaient plutôt opposés, parce que c'était une époque où on ne pouvait pas gagner sa vie en étant artiste. Hein. C'était mal vu. Il n'y avait pas encore. Ça reste encore assez compliqué. Ça reste encore compliqué, mais on a suffisamment d'exemples maintenant pour que des gens se disent le rêve est atteignable. Oui, mais regarde, Ranking of Kings, l'auteur, il n'a pas dit à ses parents qu'il n'a pas dit à ses parents. Ouais. Mais il a commencé à 40 ans. Et c'était en 2020, alors que là, on parle de quelqu'un dans les années 90, alors que le Japon rentre dans la récession. Donc c'était vraiment pas le moment. Oui. D'annoncer à ses parents. Pour se dire, tiens, je vais être artiste, que ce soit chanteur, peintre ou dessinateur. Donc ouais, et puis comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils reproduisaient beaucoup les œuvres qu'ils voyaient. Donc ils voyaient un dessin animé, ils se disaient, ah tiens, je vais le refaire pour pouvoir en profiter. Et autres, il a énormément travaillé en regardant Gundam. Gundam qui cite, je pense que c'est peut-être une des choses qu'il cite le plus avec Star Wars. Oui, Yoshikazu Yasuhiko. Voilà, c'est ça l'inspiration principale. Complètement, et on le voit d'ailleurs sur pas mal de morphologies. On a du Leiji Matsumoto pour le côté fin et lancé, et on a le côté Yas qu'on va voir sur les robots, sur toute la partie cybernétique. Donc il a été une super bonne école, en fait. En semi-autodidacte, il a été une super bonne école. Il reprend toutes ses animations, ses mises en scène, tous ces moments impactants. Et il a cette volonté de dire, je veux faire quelque chose dans la science-fiction qui va aller au-delà de « c'est pour les enfants ». Parce qu'on est au Japon à une époque où la SF était redescendue un petit peu dans des séries télé seulement jeunesse, des petits budgets... ce qu'on pouvait voir dans les Kamen Rider ou autres. Mais peut-être qu'il faut un peu le sortir de l'ASF pour ça, pour le dessin, parce que quand tu regardes, quand tu ouvres un bouquin, j'ai les bouquins sous les yeux, et il suffit d'ouvrir une page, et on voit en fait le nombre de traits qu'il y a par case, par planche, oui. Le nombre de petits traits, le nombre de petits points, le nombre de détails. Des fois, il y a des cases où en fait on va avoir une grande structure et le personnage en tout petit. Et ce qui est assez fascinant de regarder, c'est à quel point le personnage il virevole dans tous les sens, il va toujours sauter, faire des cabrioles, et en même temps, les cheveux vont toujours être en mouvement. Oui, les cheveux marquent le sens de déplacement. Tout le temps. Ce qui se faisait pas trop à l'époque, quand les gens bougeaient, les cheveux restaient raides. Et lui, il doit mettre chaque case nécessite un travail assez ahurissant. Et c'est vrai que il y a des auteurs comme ça, comme Otomo, il fait pareil, il dessine chaque petit point. Et lui, tu sens qu'il a passé des heures et des heures d'autant à dessiner plus, chaque petit point, chaque petit trait. On l'apprend un peu plus tard, mais il est même assez. Il a eu une période où il était assez tyrannique avec ses assistants, tant et si bien qu'il a fini par dessiner tout seul et tout assumer parce que il n'était pas satisfait du travail des gens qui pouvaient l'aider à faire les trames ou ce genre de choses, tellement il a ce souci du détail. Mmh. Oui, et puis ça a été relié avec ce qu'il a vécu. Yukito Kishiro a vécu une énorme dépression. Il devient phobique des gens et donc il va aussi séparer de ses assistants parce qu'il ne peut plus, il ne supporte plus la présence de d'autres personnes. Alors c'est pas le premier. Ce qui est prégnant quand on lit Gunn, sent que voilà, il a un problème de misanthropie. et c'est pas le premier à, on va dire, faire un espèce de burn-out massif dans cette industrie du manga qui est quand même extrêmement difficile puisqu'il faut rappeler, il faut produire plusieurs pages, des dizaines de pages toutes les semaines. Alors après, ça dépend en fonction, ça peut être aussi par mois, ça dépend en fonction de la périodicité. Mais c'est vrai qu'on a souvent des assistants pour pouvoir aller plus vite. Et il y a, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lui en parle. Maintenant, il parle dans ses interviews qu'il a fait un breakdown, ça a été une période de sa vie très compliquée. Et on le voit d'ailleurs dans les derniers volumes de Gum de la première série, entre le 8 et le 9e tome, puisque c'est surtout le 9e volume, le dernier, où il va aller beaucoup plus vite dans la finalisation de son histoire. Oui, c'est arrivé au printemps 94. Et alors, il y a des fois, il évoque même... Un accident de moto. Un accident, voilà. Il y a un accident qui est arrivé, qui a été un catalyseur. Il est généralement très pudique par rapport à l'accident. Il va l'évoquer, mais pas dans les détails. Alors, il y a eu à la fois des blessures physiques, mais il y a aussi, je pense, des chocs par rapport à ce qu'il a pu voir. Ça fait qu'il est vraiment tombé dans une grave dépression. Et non seulement il y a eu la précipitation de la fin de Gunn, et en fait, il a fallu une espèce de titre cathartique qui va être Ashman. Alors en fait, Ashman, c'est parce que l'ancien rédacteur en chef du Business Jump avait lancé un nouveau magazine qui s'appelait Ultra Jump, et le magazine Ultra Jump ne marchait pas. Et donc il allait voir Kishiro en disant bah, écoute, tu as été ma locomotive sur Business Jump, est-ce que tu peux me faire une bande dessinée? Et par reconnaissance pour la première personne à l'avoir embauché professionnellement, Kishiro a repris les crayons, il avait vraiment pas envie à la base, et il a fait donc une œuvre sans assistant puisqu'il s'était embrouillé avec tout le monde tellement avec des aplats noirs et blancs. Et là on est sur un truc très Frank Miller, hein. Oui. c'est vous voyez Sin City, Ashman, on est vraiment ça se passe dans le milieu du motorball qui est le sport qui l'a fait découvrir aux lecteurs dans Gun. Et donc il y a ce voilà, on sent le côté cathartique par rapport à l'accident. Il crache tout. Et à partir de là, il va se remettre un petit peu en paix avec lui-même, il va un peu se refaser et va pouvoir reprendre le dessin. Et ce qui fait que Ashman, quand il est sorti la première fois chez Glénat, justement, ils ont eu la très très bonne idée de le sortir au format cartonné comme Akira. Il est depuis ressorti en format tankobon, version originale, sens de lecture japonais. J'avoue que je garde une affection pour le grand format, parce que on est quand même proche du comics dans l'idée, et on le prend en pleine face. Alors, si vous trouvez déjà que Gunn, c'est pas facile, que c'est violent, que c'est sombre, ne lisez pas Ashman. Ashman, c'est un véritable uppercut, ça vous met à genoux. Mais après, et effectivement, après, Gunn est quand même beaucoup plus solaire, beaucoup plus, enfin, oui. Mais on est moins, c'est quand même moins déprimant. Beaucoup de cervelle éclatée, hein. Oui, certes, mais c'est éclaté dans la joie, ce coup-ci. Il y a quand même une fascination. Enfin, il faut quand même le signaler, quand même, pour les gens, parce que c'est quand même assez fascinant quand on lit Gunn. Il y a quand même une fascination pour la cervelle. Oui. Il y a tout le temps de la cervelle. Ah, les yeux aussi. Les yeux, il aime bien les yeux. Ouais, non, mais après, il y a cette phrase, je reviens toujours à cet affrontement avec Makaku, qui, pour moi, donne le là de toute la série. C'est où il reprend la maxime de Nietzsche en disant l'esprit n'est qu'un jouet pour le corps. Il y a aussi cette dimension-là. C'est-à-dire, parce que c'est un questionnement sur l'humanité, où se situe l'âme. Alors, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué dans Ghost in the Shell ou ce genre de choses, mais où se situe l'humanité? Est-ce que c'est dans un cerveau? Est-ce que c'est dans des actes? Est-ce que c'est dans l'amour, dans la musique? Il y a c'est cette réflexion. Qu'il y a autant de cervelle. Oui. D'où c'est pour rappeler l'humain. D'où le cerveau. Et d'ailleurs, quand il y a la cervelle, il y a aussi le passage de fait de ne pas avoir de cervelle par rapport aux habitants de Zalem, qui justement, on va peut-être pas tout dire pour tout spoiler, mais on fera une alerte spoiler. Mais il y a ce genre de choses. Donc même quand la cervelle n'est pas là, justement, son absence est significative. Alors, on se rend compte que dans les différentes explorations de Kishiro autour de son univers, il y avait une sorte de différentes thématiques qu'il développait au sein d'un même univers. Et il a cité comme autre influence l'album concept des Pink Floyd, parce qu'il est un grand fan des Pink Floyd, et il m'en fallait pas plus pour avoir envie de les écouter. On écoute évidemment Wish You Were Here. Thank you. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Avant d'entreprendre l'histoire de Gam, donc comme je vous disais tout à l'heure, le personnage de Gali était au départ un des personnages secondaires de mon manga précédent. Et déjà à cette époque, je savais qu'elle aurait les cheveux noirs et elle aurait des motifs métalliques sur ses joues. Et c'était une femme avec un caractère très fort. Et après, j'ai commencé à faire plusieurs prototypes pour ce personnage. Alors au début, c'était une femme adulte et qui était déjà, enfin, qui était plutôt épuisée de la vie. Mais finalement, pour débuter l'histoire de Gam, j'ai décidé que cette femme est plutôt, donc c'est comme une femme qui a perdu toute mémoire et qui commence la vie à zéro et qui apparaît au début de l'histoire comme vraiment une petite fille. Et cette situation, j'étais sûre que cette situation permettrait le public de s'identifier. Et c'est comme ça que les publics purent suivre l'histoire du point de vue de Gali. Un extrait d'une interview réalisée dans un excellent podcast que je vous conseille, qui s'appelle C'est plus que de l'ASF. Vraiment, ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire venir le créateur de ce podcast, mais voilà, il est dans d'autres sphères. Il est plus occupé. C'est, il est toujours très occupé. Enfin, bref, ah, c'est dommage. J'aimerais bien connaître Lloyd Cherry. Mais voilà. Donc, écoutez ce podcast. Et j'aimerais vous poser la question: quelles ont été les influences littéraires et cinématographiques de Kishiro pour créer Gun, Mathieu Pinon? Il y en a plusieurs, donc j'ai pas toutes les cités comme ça, mais mes camarades vont pouvoir aussi répondre à la question. Dans une interview qui m'avait donnée en 2002, il en avait cité deux en particulier. Il avait cité Johnny s'en va en guerre, donc qui est un livre qui a été adapté en film au début des 70, qui était sur le Vietnam, avec un soldat victime de la guerre du Vietnam qui revient. Il est sourd, aveugle, muet, et il se retrouve amputé des quatre membres, et il n'a plus que le sens du toucher à travers la peau, et on va partir dans son imaginaire, et puis il va y avoir des cas de conscience que vont se poser toute l'équipe médicale par rapport à qu'est-ce qu'on fait de cette personne. Est-ce qu'il vaut mieux l'euthanasier ou est-ce qu'il faut le laisser en vie? Donc il y avait ça, et il y avait l'échelle de Jacob. Donc là encore, on est vraiment sur l'imaginaire d'une personne, ce que le cerveau conçoit, ce que le cerveau projette et ce que le corps humain connaît en parallèle. Donc il y a vraiment ce déphasage qu'on va vraiment retrouver dans Gun. C'est pour ça que dans Gun, il y a autant d'atrocités sur les corps, et il y a aussi vraiment, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le pouvoir, ce que représente le cerveau. Est-ce que le cerveau est le siège de l'âme? Est-ce que l'âme est vraiment à l'intérieur d'un corps? Est-ce que c'est autre chose? Ce sont deux thématiques qu'on va retrouver tout au travers de l'œuvre, que ce soit Gun Last Order ou Gun Mars Chronicle. Donc oui, ce sont deux références littéraires qui sont très très marquantes dans les inspirations de Gun. Valentin Paco, il cite aussi plusieurs fois La planète interdite en film de Wilcox, où on voit le premier robot iconique de l'histoire de la science-fiction au cinéma, le fameux Robil Robot. Et en fait, ce film, qui est adapté d'une pièce de Shakespeare, La Tempête, La Tempête. Rappelle en fait qu'on va avoir une œuvre, une incursion dramaturgique dans tout Gun, dans les trois sagas principales, et c'est incroyable. Et je pense que c'est quelque chose où dès qu'on lui donne un petit fil, il va aller chercher la bobine, il va aller se documenter. Donc il voit ce film, il va lire la pièce de théâtre à côté, et sur l'étagère dans la bibliothèque ou autre, il va trouver d'autres bouquins. Il a une curiosité, il est insatiable. Il a lu et vu de tout. Et je pense que on pourrait faire une heure pour juste citer ce que nous on voit, qui confirmerait ou non. Mais il a mis Gun, c'est une digestion et un maelstrom de toutes ces influences. Et c'est marrant parce que la boucle devient bouclée, parce qu'on citait tout à l'heure Mad Max, qui l'avait un peu influencé au début. Et le dernier Mad Max a été influencé par. Il y a clairement une scène qui est tirée du tome 6. Il y a une scène dans le tome 6 où Gali, elle tire sur quelqu'un en mettant le fusil sur l'épaule d'un homme. Exactement la même scène dans le film de Miller. Et c'est intéressant ce que tu disais, Valentin, parce que c'est intéressant aussi de penser à Gun en fonction de tout ce que Kishiro n'a pas voulu faire et de toutes les influences qu'il ne voulait surtout pas mettre dans ce récit. Notamment, il ne voulait pas que ce soit à la Blade Runner. Donc c'est intéressant de voir aussi là où de ce dont il voulait se distinguer. Et l'autre référence, l'autre inspiration qu'on peut retrouver aujourd'hui de Gunn, c'est dans Han Solo, le spin-off. Il y a une séquence aussi de braquage de train. Il y a la même scène dans le tome 6 de Gunn. C'est exactement la même chose. Donc clairement à Hollywood, quelqu'un est en train de lire les bouquins et pour s'en inspirer, les met dans le scénario. Et puis il y a évidemment le film. Oui, parce qu'il faut dire que James Cameron, quand il a découvert Gunn aux États-Unis, intitulé Battle Angel Alita, il a eu un coup de foudre et pendant très très longtemps, il voulait réaliser le film. Il n'a fait que le produire, même si on sent quand même dans énormément des séquences que le storyboard. Hein. Oui, voilà, que le storyboard c'était de lui, parce que quand on connaît le travail de Robert Rodriguez ensuite, on sait qu'il y a certains trucs qu'il n'aurait pas pu faire. D'ailleurs, c'est la série qu'il avait fait au début des années 2000, Cameron, avec Jessica Dark Alba. Dark Angel ? Ouais, il y avait des petits trucs à la tenue qu'a Jessica Alba, il me semble que c'est un peu la tenue qu'a Gali. D'ailleurs, même Dark Angel, vient d'un des pseudos de. Il y a le Angel de Battle Angel Alita, voilà. Oui, puis c'était. Elle était souvent. Il y avait une sorte d'épithète aux États-Unis où ils disaient l'ange rouillé. Effectivement, il y a une similitude très très forte entre. On a parlé du succès en Europe immédiat, mais aux États-Unis, avec surtout l'OAV, ça a été un carton absolu. L'OAV Battle Angel Alita, même s'il a des défauts, il n'a que deux épisodes, a été un gros carton. C'est pas Cameron qui l'a découvert en premier, je crois que. Alors, on va définir ce qu'est un OAV pour les auditeurs. Original Animation Video, donc c'est du direct to video, trop court. Pour être diffusé au cinéma, mais avec un budget largement supérieur que ce dont on dispose pour faire un épisode de dessin animé. La durée varie entre 20 et 50 minutes. Donc pour Gunn, en fait, c'est deux épisodes de 25 minutes qui ont été faits. Et ce qu'on avait, tu avais cité tout à l'heure, les chroniques de la guerre de Lodos, qui est une des premières OAV à être sortie en France en cassette vidéo. À l'époque, on va peut-être pas expliquer ce que c'est qu'une cassette vidéo. Et après en DVD et réédité chez Manga Studio. On pourrait expliquer, on sait plus ce que c'est ces trucs-là. On pourrait expliquer. Oui, et alors c'est intéressant quand on regarde encore les DVD parce que la qualité, c'est pris une sacrée claque. Hein. C'est-à-dire que vraiment c'était d'autres formats, en 4 tiers comme ça sur un écran. Gun est en 4 tiers. Est en 4 tiers. Enfin, l'OAV. Ça a été réédité en France récemment? Non, c'est toujours même pour cette émission, j'en ai passé un extrait au tout début. On a utilisé le DVD d'origine en 4 tiers parce qu'il y a pas de et puis sur aucune plateforme. En plus, il a pas été racheté. On retrouve des vieilles séries, mais pas. Et comment ça se fait qu'ils soient un peu invisibles comme ça? Alors en fait, ma théorie, c'est que quand Cameron a acheté les droits pour Gunn, il a acheté les droits de 100% des adaptations. Tu ne verras plus aucun jeu vidéo, tu ne verras plus aucun dessin animé de Gunn. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de... Il y a souvent des revivals au Japon pour les dates anniversaires, les 20 ans, les 25 ans, les 30 ans. Il y a eu plein d'occasions de refaire un dessin animé ou même une OAV sur Gunn, ou même un drama, ou même une adaptation en pièce de théâtre. Au Japon, il y en a plein, ce qu'on appelle le 2,5D. Ça n'existe pas parce que Cameron, il a acheté les droits complets. Quand il arrive avec un contrat et voilà, un contrat à l'américaine où t'as 14 avocats qui ont bossé dessus. En face, t'as Kishiro qui est en train d'écrire ses trucs, ses scénarios en vitesse parce que il faut produire. Donc, il dit, OK, un grand réalisateur américain, je vends les droits. Et c'est pour ça que tout est bloqué, à mon avis. On est dans le même syndrome que quand on n'a pas eu à nouveau Macross Robotech pendant plein d'années à cause d'un contrat d'Harmony Gold qui bloquait tout. Et alors, parmi les influences qu'on n'a pas citées, il y a la hache d'or de Gaston Leroux, parce qu'une des premiers éléments de l'intrigue de Gunn, c'est que cet ingénieur, Ido, qui a retrouvé Gali, sort de chez lui chaque nuit pour apparemment chasser des gens. Et il y a un serial killer dans la décharge qui est surveillé. Et Gali croit que, pendant très longtemps, que c'est Ido qui va tuer des jeunes femmes, alors qu'en fait, il est Hunter Warrior, une sorte de chasseur de primes dans cette décharge. Et c'était peu ou prou l'histoire de la hache d'or de Gaston Leroux. Et donc ça, plus la référence à Pink Floyd, on voit en fait que pour Kishiro, les influences ont tendance à venir de partout, sauf du manga en fait. Au niveau du style et du dessin, si au début, mais en fait, il a besoin de nourrir son œuvre de beaucoup, beaucoup d'influences extérieures. comme disait Jérôme, il a aussi besoin de se distinguer, il a besoin de créer quelque chose qui lui appartient, et quand tu crées un manga, c'est plus facile de distinguer si tu fais pas de référence à d'autres mangas. Même si au final, on l'a dit, hein, il y a du Leiji Matsumoto, il y a du Space Adventure Cobra, il y a du manga à plein d'endroits. C'était aussi très jeune dans cette nouvelle époque du manga. Il y a plein d'âges du manga, mais là on est sur les premiers mangaka qui sont nés après la guerre, qui n'ont pas connu la guerre, donc ils vont avoir une approche différente. On a eu la fin de l'ère Tezuka, donc on a eu l'arrivée du Gekiga avec des dessins plus adultes, plus réalistes, un sens du détail incroyable qui va se faire. Tout ça fait que oui, il y a moins d'éléments de comparaison. Mais je pense, je sais pas si c'était 100% sciemment de se dire voilà, je veux pas faire comme machin, parce que au final il revendique vraiment tout, il a aucune honte à revendiquer des inspirations à droite à gauche. Mais il faut bien le dire aussi qu'il y a beaucoup de mangaka qui s'inspirent en fait d'œuvres qui ne sont pas des mangas et qui même d'œuvres occidentales. On citait Leiji Matsumoto, mais Leiji Matsumoto, en fait, la plupart des histoires d'Albator sont inspirées quand même de films de Julien Duvivier, qui est un cinéaste français des années 30-40-50. C'est très inattendu, mais en fait, il y a beaucoup de ces auteurs-là qui s'inspirent de la culture française. On pense à La Rose de Versailles, voilà, Lady exactement. Oscar, où on est vraiment absolument pas dans un schéma japonisant. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une des choses qui distingue les grands mangaka des autres, c'est qu'il y en a certains qui ont baigné dans le manga depuis leur plus tendre enfance, qui veulent absolument être mangaka, mais qui, comme culture, n'ont que la culture du manga. Alors, ils en ont mangé par palette. Et puis, il y a ceux qui vont chercher des influences autres, alors que ce soit dans des arts autres, comme le cinéma, la littérature, la sculpture, et j'en passe, mais qui vont également chercher dans la culture européenne, dans la culture américaine, nord-américaine, sud-américaine, qui vont aller plus loin. Et d'ailleurs, ça, c'est dans la culture scientifique, Kishiro fait beaucoup de notes de bas de page dans Gun pour expliquer, même à un moment, qu'est-ce qu'un neurone. Il va expliquer ce que c'est qu'un neurone, la définition elle est extrêmement pointue. En cela, il rejoint beaucoup Shiro dans Ghost in the Shell. Mais alors, Shiro qui même de temps en temps, il y a des bas de page qui étaient plus importants que la c'est page. C'est ça, voilà, il y a plus de bas de page que de pages. Parce que il y a ce côté, il a conscience d'être recherché de la culture qui n'est pas forcément accessible au lecteur japonais moyen. Par conséquent, il faut le réexpliquer. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui font que Gunn a aussi bien marché à l'international, parce que nous, occidentaux, nous avons pu retrouver inconsciemment, sans même forcément identifier, des aspects culturels qui nous sont chers, enfin qui nous sont quotidiens. Et c'est ce grand melting pot, maelstrom, comme disait Valentin, qui font que Gunn est une œuvre à part dans la production manga. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, tu découvrirais que je suis un chasseur de primes. Jadis, c'était le travail de la police d'attraper les criminels. Maintenant, le consortium offre des primes à ceux qui les pourchassent et les éliminent, comme moi. Je ne suis pas le seul, tu sais. Il y en a d'autres. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive ? Viens, on rentre. Si j'ai envie de devenir chasseur de primes. Ce n'est pas pour ça que je t'ai réparé. Quand je t'ai trouvé, tu n'étais plus qu'un tas de ferraille. Aujourd'hui, tu es belle. Je te procurerai tout ce dont tu as besoin. Les écus ne t'apporteront rien. L'argent ne m'intéresse pas, je veux juste exprimer ce que je suis. Mais il y a d'autres moyens, j'en suis sûre. Quand je me suis battue tout à l'heure, je me suis vraiment sentie vivante. Se battre n'a rien d'épanouissant. C'est un sale boulot. Je ne te laisserai pas te salir les mains avec le sang des autres. Si le cas se présente, c'est moi qui serai responsable, pas toi. Je ne suis pas une marionnette qu'on manipule à son gré. L'œil Cherry, on a perçu dans cet extrait le caractère singulier de Gally. Qu'est-ce qui fait de Gally un personnage aussi nuancé ? Bah, dans tout l'œuvre dans tout l'œuvre de Gum, ce qui est intéressant, c'est que les personnages ont tous une double personnalité. Ça veut dire, comme le docteur Jekyll et Mr. Hyde, il y a la Gally positive, naïve, gentille, et il y a la Gally chasseuse de primes, tueuse, impitoyable. Et en fait, il y a tout un jeu, et c'est ça qui est intéressant avec Gally, où on va voir son double, même littéralement, des fois plusieurs doubles, d'ailleurs plusieurs clones. Mais en fait, Gally va devoir aussi combattre contre ses tendances. Ce qui est intéressant, c'est quand on commence l'aventure, Gali ne sait pas qui elle est. Et puis au fur et à mesure, elle va découvrir ce qu'elle est. Elle va découvrir son passé. Et à ce niveau-là... Via le combat, justement. Via le combat. Et justement, dans les références qu'on n'a pas citées qui sont citées grâce à la super interview de Fausto Fazulo dans Atom, c'est Highlander. Il parle de Highlander, en fait, donc l'auteur de Gum, parce que pour lui, il y a cette idée de le passé des morts poursuit le personnage. Et c'est vrai qu'on voit vraiment une évolution dans ce manga où, au début... Gali est vraiment l'héroïne classique qui ne connaît rien à la vie entre guillemets et qui va apprendre. Et puis plus on avance dans l'aventure et même avec la suite, plus le personnage devient de plus en plus effrayant parce qu'elle devient peut-être trop forte aussi. C'est un vrai sujet. Donc à la fin dans Last Order, on a l'impression de voir une espèce de déesse comme Athéna quoi. Et du coup c'est pour ça que ça rend un personnage. Moi je trouve que le personnage est intéressant et surtout comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, c'est un personnage féminin. On va dire à l'époque, l'autre grand personnage féminin de science-fiction qui sortait presque au même moment, c'était Mother Sarah. Oui. Voilà, qu'on oublie un petit peu, hein, qui est un manga un petit peu peut-être mineur du créateur d'Akira. Mais c'était l'autre. C'est le scénario d'ailleurs. Oui. Et l'autre grand personnage féminin, c'était un peu Mother Sarah, quoi. Donc on a. Mais Gali, ce qui est intéressant, c'est que. Et on a le personnage, enfin l'auteur n'a jamais voulu la sexualiser. En tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est que pour lui, il devait pas la rendre sexy pour pas tomber amoureux. D'elle, c'est un mauvais signal. Il y a quand même quand tu ouvres le manga, j'ai refeuilleté le manga depuis tout à l'heure et il y a quand même énormément de fois où il la dessine de dos, un peu cambrée. Il a une petite fascination pour les fesses de Gali quand même. Peut-être que c'est l'inconscient qui parle, mais en tout cas, on a un combo cervelle fesses. On est loin, je pense, de la représentation actuelle des femmes dans les shonen. Oui, oui. Je mettrai un petit voilà. Parce que par exemple, à la même époque, Yamazamune Shiro avec le Major Kusanagi et Denan dans Apple Seed. Et là, on a vraiment une érotisation très, très, très, très, très marquée. Voilà. Même des séquences pornographiques qui ont été retirées de la version française. Après, Shiro maintenant fait du porno. Oui. Ce qui est dommage parce qu'elle apporte pour beaucoup au manga cette double page pornographique, mais c'est un autre débat. Juste pour répondre à votre question, Frédéric, reprenons le titre Gunm en japonais, donc c'est Ganmu, qui est composé de deux kanji, le kanji Ju qui veut dire pistolet et le kanji Yume qui veut dire rêve. C'est pour ça que plutôt que Ganmu, nous on l'a traduit en Gunm, G-U-N-N-M pour Gun. And dream avec le M de dream. Alors nous on est sur rêve et arme, mais on peut aussi le prendre comme l'arme qui rêve, le rêve d'une arme. Et il y a ce côté dans Gali, ça résume vraiment Gali. Gali est une arme, Gali est une combattante destructrice. Et d'un autre côté, c'est une adolescente qui a des rêves, qui a des envies, qui veut avoir des flirts. Son premier flirt avec Hugo qu'on va retrouver dans l'OAV, qui va retrouver dans le film, puisque le film est vraiment surtout inspiré de l'OAV, puisque on va avoir son premier flirt d'adolescence qui se finit mal. Ensuite, on va avoir. Oui, parce que c'est aussi sa vraie belle première histoire d'amour avec, j'ai oublié son nom. Foggia. Donc, quand elle va être justement en train de parcourir les déserts avec la pluie de poissons, qui est un passage vraiment merveilleux dans le manga. Et donc, on a cette aspiration d'une jeune femme, ses rêves de jeune fille, de jeune femme, qu'elle doit gérer en même temps que le fait qu'elle ait une arme. Et donc, tout est dit dans le titre. Je pense que c'est ça qui fait que Gali est un personnage vraiment à part. C'est du Philippe Kadic, ça. Et il y a aussi cette dimension perfectible, c'est-à-dire que Gali, des fois, commet des erreurs, elle perd. Ça lui arrive, elle est injuste, quelquefois elle est même en dépression totale après la mort de Hugo. Elle se lance dans une carrière de musicienne comme ça dans la décharge musicienne émo. Et oui, il y a vraiment vraiment des ce que Kishiro fait vivre à son héroïne, ça rappelle le traitement qui est à peu près à la même période d'ailleurs télévisuel qui a pu être fait sur Buffy, où en fait d'une saison à l'autre, elle pouvait complètement se recréer au fur et à mesure de son développement. Et ça c'est quelque chose de pas si commun justement dans certaines grandes sagas, parce que le personnage a évolué et l'auteur l'a laissé faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas resté à un statu quo 30 ans plus tard. Comme l'a dit Lloyd, aujourd'hui Gali est très différente de comment on l'a connue dans cette décharge. C'est un personnage qui est moderne. Et en même temps, bon, quand on est surnommé l'ange de la mort, c'est vrai que ça vend du rêve. Donc c'est aussi un personnage féminin qui essaye de devenir totalement indépendante. Et même indépendante des hommes en devenant plus forte qu'eux. Donc ça aussi, c'était quelque chose, c'est des thématiques qu'on voit assez peu, en fait. Même d'ailleurs, même Ido, qui est quand même une sorte de père de substitution, est très, le dip arrive très vite. C'est-à-dire que, très rapidement, elle le calme et elle dit, je suis pas ta chose, quoi. J'ai une vie qui va être différente de toi. Oui, tout à fait. Et puis, il y a le côté un peu créateur toxique, hein, de Ido. Il y a tout un jeu qui est lié entre le père, entre le créateur, et c'est vrai qu'elle va se... En fait, ce qui est intéressant, c'est que plus on avance dans l'aventure, plus Gali va préférer devenir solitaire. Et il y a tout un enjeu là-dessus. Alors heureusement, on va peut-être, je pense, en parler, des certains personnages comme Nova vont essayer de la ramener, mais dans le fond, Gali, elle peut être seule. Et c'est ce qu'on ressent dans certaines séquences de ce manga, des grandes phases de solitude avec Gali. Hein. Jérôme le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de sa vie, de la vie de l'auteur, de Kishiro, qui se projette. Et donc ces moments de solitude, c'est des moments qu'il a vécu, qu'il a subi. Il y a aussi, on a parlé donc du questionnement qu'est-ce que c'est que l'humain, mais la problématique de se reconstruire après une perte, que ça soit un deuil ou un autre type de perte, est prépondérante. Chacune des histoires. Et au bout d'un moment, quand t'en as marre de perdre des choses, tu dis, je vais arrêter de créer des liens parce que ça me blesse trop à chaque fois. Et je pense qu'il y a une autre chose aussi qui fait que le cheminement de Gali est vraiment à part. C'est que, on a dit Kishiro est un bourreau de travail, mais surtout Kishiro est quelqu'un qui n'a jamais voulu rester dans sa zone de confort sur la création de son œuvre. Il y a eu le dessin, on peut le dire, c'est un des premiers à s'être intéressé à l'informatique. Quand on voit les premières choses qu'il a pu faire en informatique, c'était des choses en 3D. Alors, on appréciera ou pas, mais toujours est-il qu'il a testé quelque chose. Ensuite, il a vraiment intégré l'informatique dans son dessin. Parce que, donc, quand je parlais de 3D, c'était pour les couvertures en couleur. Il y a des effets informatiques qu'on va retrouver au fur et à mesure. Plus on avance, notamment dans Gunblast Order, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la trame. C'est quelqu'un qui a su vraiment intégrer ça de manière très, très intelligente, mais il s'est forcé de lui-même à aller chercher cette démarche. Et scénaristiquement, il a fait pareil. C'est-à-dire que pour Gunblast Order, il a fait des demandes auprès de ses lecteurs en disant « qu'est-ce que vous aimeriez voir comme type de personnage ?» Et par rapport au retour des lecteurs, il a intégré ça. Et il a accepté d'avoir des idées qui ne venaient pas de lui pour les intégrer. Donc il sort vraiment de sa zone de confort, il prend ce qu'on lui propose, et notamment, je pense au personnage de Kaerula, qui va avoir arrivé dans Gunblast Order, qui va le forcer à un moment à faire un flashback qui va revenir sur deux tomes, et dans lequel il bouleverse complètement la donne, il va réexpliquer ce qui a pu se passer auparavant, comment est-ce qu'on a pu arriver là, sans que Gali apparaisse pendant deux tomes quand même. Il laisse de côté son héroïne principale pendant deux tomes, et quand on revient... Donc on parlait de la richesse de Last Order, peut-être trop grande richesse. Donc l'évolution de Gali, je pense que par rapport à un manga classique, vient du fait que Kishiro a toujours accepté de se laisser bousculer, et en se faisant bousculer, il est peut-être allé sur des pistes qu'il n'aurait pas imaginées lui-même au début par rapport à Gali. La première fois qu'on s'est rencontrés il y a 3 ans, je t'ai dit qu'il fallait mettre de côté au moins 10 millions d'écus pour qu'il t'accepte là-haut. Oui, je m'en souviens. La plupart des gens doivent travailler toute leur vie pour y parvenir. C'est pour ça que le consortium place la barre si haut. Et toi, en moins de 3 ans, tu es déjà près du but. Ça n'a pas été si difficile que ça. Ta modestie n'est égale que ton courage. Tu me plais. J'aime ta façon de voir les choses. Je suis comme tout le monde. Détrompe-toi, petit. Tiens, goûte-moi cet alcool. On me l'envoie directement de Zalem. Je suis le seul à en avoir. Ah ? Une bonne rasade, et c'est comme si tu y étais déjà un peu. Écoute, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos du stock de nourriture dont nous dépendons. Tu t'en doutes, les aliments de première qualité proviennent des thermes et sont automatiquement détournés par le consortium au profit de Zalem. Sur Terre, les gens doivent se contenter des restes. Mais ce que tu ignores, c'est que c'est moi qui contrôle l'acheminement des produits, ce qui me permet évidemment de faire de gros bénéfices. Et ceux qui travaillent pour moi ont droit à leur part du gâteau. Ça te dirait de faire partie de mon équipe ? Moi, je veux aller vivre sur Zalem. Et qu'est-ce que tu y feras quand tu y seras, hein ? Tu m'en diras dans les rues ? Les vagabonds ne font pas long feu là-bas. En revanche, si tu restes ici, tu mèneras une vie de pacha. Avec un peu d'ingéniosité, de bons conseils, tu finiras par devenir quelqu'un de riche et de respecté. C'est bien connu, l'argent amène le pouvoir. Tu devrais y réfléchir sérieusement, Hugo. On vient d'entendre Vector qui marchande avec le jeune Hugo qui rêve d'aller vivre sur Zalem, ce qui techniquement n'est pas possible. Et donc Vector qui en fait est celui qui gère le marché de la contrebande dans la décharge. Et à travers ce personnage, il y a cette manière de symboliser les personnages secondaires hyper intéressante chez Kishiro. C'est que Vector, on ne sait pas si... on le déteste, on l'aime, mais comme Destinova, comme plein d'autres personnages qui apparaissent dans Gun, il y a une richesse d'écriture chez ces personnages secondaires qui est assez forte. Lloyd Cherry. Oui, Vector, en plus, c'est un des rares personnages noirs dans les mangas. Oui. Et ça aussi, alors bon, hein, c'est vrai que quand on est jeune lecteur, à l'époque, dans les années 90, moi j'ai découvert Gum dans les tout début des années 2000, c'est vrai qu'il y avait très très peu de personnages noirs. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, et je pense ça aussi, ça corrobore sur le fait que Gum est une franchise qui est plus simple au niveau de l'Occident, c'est qu'on voit toutes les nationalités dans Gum. La décharge, finalement, c'est... un espèce de monde melting pot. Il y a toutes les couleurs de peau, toutes les races. Et Vector est un personnage intéressant. Il y a cette idée de tour de Babel qui serait brisée. Ah, voilà, en fait. C'est ça. C'est vraiment l'idée de la tour de Babel. Mmh. Et ce personnage est très intéressant parce que on est totalement dans le côté pop culturel sur le dandy noir un peu malin comme dans la Blaxploitation. Hein, finalement, c'est ce genre de personnage, mais qui va évoluer dans la série. Et ce qui est drôle, c'est que plus il va évoluer, plus physiquement, enfin plus il sera bon, plus physiquement il sera atteint et il sera fragile. Donc il y a aussi ce jeu-là qui est de dire que quand le personnage est un salaud, il est le plus beau, le plus élégant, et quand il devient gentil, finalement son corps, il va être blessé, il va devoir évoluer. Mais ce qui est bien, c'est que il a un look déjà avec des petites lunettes noires très très classe. Et bon, je trouve que le film lui rend plutôt bien hommage. En plus, avec quel acteur, Mahershala Ali. Voilà. Mais en même temps, dans le film, tout ça est un peu gommé parce que Rodriguez, il décide que l'univers ressemble au Mexique. Ah de toute façon, je pense que le gros problème du film, et il en a plusieurs, hein, mais on en parlera un peu plus tard, mais je pense que d'avoir fait de la décharge un lieu où on peut tranquillement se promener pour acheter des glaces, du chocolat. C'est une énorme incompréhension par rapport à l'œuvre de base. C'est-à-dire que la décharge, logiquement, dans le manga, il n'y a aucune planche qui donne envie d'y vivre. Là, techniquement, dans ce que nous montrait à avoir Rodriguez, on se disait, les gens peuvent très bien vivre là. On mange des oranges, oui, c'est cool, on fait du sport. C'est marrant, ils n'ont pas du tout compris cette dimension, comme disait Lloyd. Pluriculturelle, quoi, qui était présente là dans le manga. Ah oui, et la dimension pluriculturelle, et le côté, si on prend Vector, qui du coup est une véritable grenouille dans le bénitier, parce que lui, comme il est riche, comme il magouille, comme il arrive à s'en sortir, il voit pas tout le reste de ce truc, et donc il comprend pas pourquoi Hugo veut sortir de la décharge. Et nous, en spectateurs du film, on comprend pas pourquoi il veut se barrer. Il a des copains, il se fait des petites parties de rollerball entre amis, rollerball pas dangereux entre amis. Il a une nana. Écoute mec, on est nombreux autour de la table ou ailleurs dans les auditeurs à dire ok, on signe tout de suite. Hein. Pourquoi tu veux absolument aller dans un autre truc alors qu'en fait il veut s'échapper, il veut vivre et arrêter de survivre. C'est cette dimension qu'on perd dans le film. Et une fois de plus, c'est quelque chose d'essentiel dans le manga, c'est que très rapidement on voit la dimension les égouts de la décharge par le personnage de Makaku. Mais c'est pour ça en fait, je reviens tout le temps parce que je trouve que c'est lui qui présente le mieux la décharge. Et on voit la décadence et la décrépitude physique, mentale que le fait de vivre dans la décharge provoque. C'est-à-dire que Ido et Gali, dans cette petite cellule familiale qu'ils arrivent à recréer, c'est une exception. Le restant de la décharge, c'est soit des Hunter Warriors, soit des gens qui sont obligés de marchander pour survivre. Il y a une idée vraiment, mais de survie qui est complètement absente du film. Il y a même une, en fait, on rajoute un niveau supplémentaire. Parce qu'on a parlé de cette image de lutte des classes. On a Zalem en haut qui flotte, tout est beau et tout. On a donc Iron City, la décharge qui est là. Ok, c'est nul, c'est moche et tout ça. Et après, on découvre qu'en fait, en dessous, il y a encore un niveau encore pire avec les rats, les enfants qui se font asperger d'acide. Donc, les égouts des égouts, quoi. Donc, tu dis... C'est vraiment très solaire comme manga. Ah oui. Oui. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'ai prêté la collection à une jeune adolescente de ma connaissance qui est fan de manga. Et je lui ai prêté Gun. C'est la première fois que je vois les parents me rendre les mangas en disant non, Non, on a lu et c'est trop sombre pour elle. Elle me dit, elle était hyper partante, hein, mais dis non, là c'est à ce moment-là, Gunn peut encore provoquer une levée des boucliers des parents en disant non, c'est trop sombre. Ce qui est traumatisant, c'est que en fait tous les personnages auxquels tu t'attaches vont mourir dans d'atroces souffrances. Ils vont pas juste disparaître, ils vont vraiment être déchiquetés, écartelés, écrabouillés. Il y a en préparant cette émission. Yuko, moi je suis encore traumatisé. Je trouve que dans la manière d'écrire ces personnages et ces événements qui sont teintés à la fois de romantisme, mais dans ce qu'il a de plus naïf des fois, dans l'amour que les gens peuvent avoir l'un pour l'autre, et leur fin tragique, il y a quelque chose qui m'a fait penser à certains aspects du Ken Loach et même Lars von Trier. C'est-à-dire que je trouve qu'on est dans le même côté absolu, genre, vous avez vu, ils s'aiment, hein? Ah bah ils sont morts. Et ils sont morts salement. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué encore justement par rapport à la décharge, au fait de devenir un peu taré quand on vit dans la décharge, c'est que le motorball, on se rappelle tous des poursuites folles, mais il y a le public du motorball, et le public du motorball, vraiment là, on est sur le sport qui est espèce du pain et des jeux, et ils sont tous, mais plus j'explique aux auditeurs, le motorball, c'est une course qui oppose des cyborgs motorisés, c'est-à-dire avec des roues, et voilà, c'est une course avec des obstacles. Ils courent après une balle, voilà. Le motorball, et tous les coups sont permis. Et le public qui est là est complètement fou, et il y a, par exemple, à un moment, le grand leader du motorball qui s'appelle Jashugan, qui arrive, et il y a un type qui passe ses mains à travers le village, qui fait Jashugan, Jashugan, prends mes bras, et Jashugan lui coupe ses bras, et le mec est fou de joie parce que Jashugan a pris ses bras pour les porter en triomphe, ouais. Et là on se dit ah ouais, et quelque part c'est vrai, quand on peut voir le comportement de certains supporters totalement hardcore aujourd'hui, on se rend compte que ce côté complètement à quel point le sport peut rendre fou les gens qui n'ont plus que ça comme exutoire dans leur vie, c'est parfaitement représenté dans Gunn. And then there's me. Et puis il y a moi, Zapan. Zapan. Keeper of the legendary Damascus. Dépositaire de la fameuse lame de Damas. Honed to a monomolecular edge, it slices armor like butter. Au tranchant monomoléculaire qui pénètre dans l'acier comme dans du beurre. Forged before the fall. Elle a été forgée avant l'effondrement dans les règles de l'art métallurgique. And who did you kill to acquire it? Et qui tu as tué pour l'avoir? A hunter warrior is a... Le guerrier chasseur. Solitary predator. Est un prédateur solitaire. You'll be competing against us. Tu seras en concurrence directe avec nous. You can see what you're up against. Je te laisse imaginer ce qui t'attend. Est-ce qu'ils vont faire vraiment un 2 ou une série télé? On vient d'entendre Zapan, alors personnage qui est effleuré dans le film de Robert Rodriguez, mais qui a un arc scénaristique hyper intéressant en manga. Est-ce que, justement, sur la richesse de ces personnages, quel est votre personnage secondaire préféré? Valentin Paco, commençons par vous. En secondaire, moi j'aime beaucoup Chaos, parce que tout à l'heure... Lloyd parlait de la dichotomie et de tous les personnages, mais c'est celui qui l'incarne le mieux. Il est ouvertement schizophrène. Alors bon, donc on est obligé de spoiler pour répondre à ça. Alors faites attention quand vous dites le parce que je sais que le terme schizophrène est beaucoup plus large que. Alors il a une double personnalité et en fait qui sont polairement vraiment opposés. On a Chaos qui est très gentil et Den qui est destructeur. En fait, qui est tellement destructeur. Qui peut provoquer la mort physique et c'est le fils de Destinova. Donc en termes de poids à porter, c'est compliqué. Donc il va Destinova, qui est un savant fou mais qui a pas de limite, va extraire Den, donc la personnalité Den du corps de Chaos. Ils vont avoir un petit lien, mais il va en faire deux entités différentes et ce conflit intérieur qui est extériorisé est magistralement mis en scène et m'a beaucoup. Eden aimé. Est une sorte de centaure robotisé géant. C'est le symbole de comment est-ce qu'on peut apporter la destruction dans ce monde et par où elle peut arriver. Et c'est formidable. On le voit avec sa grande lance qui transperce des trucs. C'est gigantesque. À côté, on avait déjà eu Makaku qui était quand il chope son deuxième corps qui était gigantesque. Et là, on est encore à une échelle au-dessus. Alors que Chaos est frêle et joue du piano. Fait de la musique avec sa radio. Peut à peine tenir debout tout seul. Avec sa canne. Pour moi, ça serait lui. Ouais. Après, est-ce que Foggia Fort compte en secondaire ou pas? Parce que j'aurais un dilemme, parce que j'aime beaucoup aussi Foggia. Lloyd ? Oh bah moi je vais choisir Faux Jaffar, hein. Y a aucun doute. En fait moi mon volume préféré de Gum c'est le 6e, qui est un espèce de chef-d'œuvre d'action pure. Là où s'est inspiré notamment, ce qu'a dit très bien Jérôme, Mad Max et Han Solo. Et du coup, Foggia, c'est le seul humain qui peut tenir la dragée haute au cyborg, parce qu'il fait un art martial anti-cyborg. D'ailleurs, ce qui est intéressant, on en a pas parlé, mais il y a tout un univers qui est créé dans Gum sur les arts martiaux. Et le Panzerkunst. Voilà, le Panzerkunst. C'est ce qui est marrant, c'est que finalement, cette influence avec l'Allemagne, puisqu'il y a beaucoup de mots allemands dans Gum et dans sa suite, fait écho à une autre série, une autre franchise qui a été imaginée par Oshi, où on a vu une adaptation avec Jinro, donc Kerberos, tout à fait. Et ça fait passer les deux univers finalement qui mélangent science-fiction et Allemagne, puisqu'il va avoir des mots allemands, il va avoir des choses en lien avec l'Allemagne, ce qui est assez intéressant puisque l'Allemagne n'est pas un grand pays de science-fiction, à part récemment, grâce à la plateforme Netflix et avec des super séries comme Dark et compagnie, mais sinon, l'Allemagne, à part Metropolis, voilà, qui est un chef-d'œuvre de la SF, n'a pas une très très grande culture SF. Et du coup, je trouve ça très intéressant que les Japonais ont décidé de se relier à la culture allemande, peut-être aussi en lien avec leur alliance historique. Oui, je pense que c'est l'éléphant dans la pièce. Ça joue un petit peu. Pour le côté militaire, ils ont pour le côté militaire. Oui. Et du coup, ça, c'est intéressant. Et Foggia, ouais, je trouve que c'est un personnage assez magnifique avec une séquence où il arrive à faire à créer une espèce de canette de coca comme une espèce de missile qui va lancer à la figure de Gally. Et puis évidemment. Ce qui ne marchera pas. Ce qui ne marche pas du tout. Au contraire, ça va pas. Mais et puis c'est le prince charmant. Oui. Donc c'est vrai qu'on a un jeune lecteur qui a 10 ans, on essaye de se relier à des personnages comme mais ça. Mais prince charmant, comme vous le dites fort justement, qui est beaucoup moins fort que la princesse qu'il est censé sauver, et c'est totalement assumé. C'est-à-dire que voilà, Foggia est courageux, mais il est vraiment pas dans la ligue du Gally. Mais il est comme elle. Il sait très bien se battre, donc elle aussi tout ça. Mais il a un rêve. Ils sont similaires. C'est deux pièces d'un puzzle qui se trouvent et qui s'enclenchent enfin parfaitement. Et ils n'ont pas à se dire, je vais suivre ton rêve à toi. Et en fait, ils vont partager le même rêve. La première romance de Gally avec Hugo, elle s'appropriait le rêve de Hugo. Oui. Elle se sacrifiait pour son rêve à lui. Là, elle a trouvé son identité. Elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a abandonné plein de choses pour devenir comme ça. Et elle rencontre Foggia. Et là, il y a une vraie symbiose qui se fait. Donc, elle progresse dans son approche des relations. Et c'est pour ça que j'hésite presque à le considérer principal comme personnage, même s'il il dure pas tout au long de la série. Considérable sur Gally. Mathieu Pinon. Alors oui, j'aurais bien cité Foggia aussi. Je peux pas citer Nova parce que Nova est l'antagoniste principal. On va pas dire que c'est un personnage très secondaire. Shashugan. Je vais donc aller chercher un personnage tertiaire pour ma part, et ce sera Tigel. Alors. Tigel, c'est une espèce d'énorme tortue qui participe au motor qui roule vite. Et c'est un des rares personnages qui va apporter un peu d'humour et de joie dans Gum. Notamment, ça permet justement à Kishiro de finir l'arc du motorball de manière très très très très cocasse. Et je pense que ça fait du bien à un moment de. Oh, on rigole un petit peu. Heureusement qu'il était là, parce que sinon le motorball, ce serait vraiment extrêmement extrêmement anxiogène. Et donc rien que pour ça, voilà, j'aime bien ce personnage. Tiguet. Jérôme Lachasse. Toi, t'apportes de la légèreté. Moi, je vais casser un peu ça, parce que mon perso, c'est Hugo. Oui. Et Hugo, c'est un peu déchirant. Ah, complètement. Il a une destinée pathétique et il résume bien un peu. Les enjeux de la première partie, des premiers tomes. Et c'est intéressant parce que c'est pas un personnage charismatique, visuellement il est pas très intéressant, contrairement à d'autres personnages qu'on a pu évoquer là. Mais il y a un truc dans son regard quand il s'approche de Zalem, il sait qu'il va, il est tout proche, il sait qu'il va pas y arriver. Il y a un truc dans ce regard qui est déchirant. Et on a beaucoup parlé de cerveau, de cœur, d'humain. Et c'est vrai que les yeux dans Gun, ils sont souvent très beaux, très bien dessinés. Et lui, il a son regard dans ces quelques scènes au début du tome 3, avant qu'il, désolé pour le spoiler, qu'il soit écartelé et coupé en morceaux. C'est assez déchirant. Et c'est assez rare qu'un manga, une œuvre de papier, fasse pleurer. Mais c'est vrai que dans cette scène-là, on a des petites larmes quand même. C'est assez émouvant. Donc ce serait Hugo, toute l'histoire de Hugo. Parce qu'en fait, Hugo, je pense qu'il incarne aussi ces individus que l'on peut retrouver dans le réel, à qui le destin n'a jamais voulu du bien à quelque moment que ce soit, en fait. Et Hugo, ce qui est rigolo aussi, c'est que techniquement, Hugo, ça aurait dû être un personnage, ça aurait dû être le héros, quoi. Dans n'importe quel manga, ça aurait été lui le héros. Il était présenté un petit peu comme ça, mais... Et en fait, non. Mais dans le monde de Gunn, non, c'est une victime. Et j'aime bien le fait que celui qui aurait dû être le héros soit pas juste une petite crotte, quoi. Très bien. Et alors, ensuite, arrive Gunn Last Order, où on se rend compte que Kishiro, qui a utilisé le regard de Gally pour être une fenêtre d'entrée pour le lecteur, élargit complètement la focale, et on commence à voir non seulement ce qu'est Zalem, mais voir ce qu'il y a au-dessus, voir le système politique qui a créé Zalem, la conquête spatiale, l'impérialisme. Là, on a l'impression que dans Gunn Last Order, on commence à toucher du doigt une forme de géopolitique de la science-fiction. Valentin Paco. Là, les chevaux sont lâchés. Donc, on rappelle, il avait terminé de manière un peu précipitée Gunn. Il a fait sa thérapie, il a fait Ashman, il a fait Aquanight pour vraiment reprendre du positif et du positif. Qui est très intéressant aussi, Aquanight. Très intéressant, qu'il a stoppé quand il s'est dit « Ok, je me relance dans Gunn ». Et il fait, en fait, tout ce final qu'il a fantasmé pendant plein d'années sur Gunn, en partant à plein bourg sur le Space Opera, il va pouvoir le mettre en place dans Gunn Last Order. Mais je pense qu'il a tellement trépigné, tellement d'idées qui partent dans tous les sens, qu'il a trop rempli Last Order. Là où jusqu'à présent, il arrivait à être lisible, que ce soit dans des dessins extrêmement chargés, mais très lisibles, dans des scénarios, pareil, extrêmement riches, mais toujours lisibles. Dans Last Order, on commence à avoir un tout petit peu de lourdeur. Moi, c'est la partie de Gunn que j'apprécie le moins, notamment quand après il introduit le tournoi et on se dit oh, voilà. Un tournoi Zot entre cyborgs. On tombe dans du classicisme de manga et c'est dommage. Et même, il trahit un peu Gally dans un sens où elle passe son temps à vouloir être elle pour finalement redevenir juste une arme pendant un moment. On comprendra après les raisons pourquoi il fait ça, mais. On a une frustration, on passe de quelque chose qui nous surprend pendant chaque tome de Gunn, hein, chaque nouvel arc, on ne s'attend pas, on est surpris, on se prend une claque, on pleure, on souffre beaucoup. Tendance à dire que dans Gunn Last Order, même Gally devient un personnage secondaire. Oui, c'est un pion, elle est sacrifiée au profit de l'histoire qui nous dépasse, dans laquelle elle se noie et le lecteur se noie aussi, mais du coup, peut-être a un peu moins d'empathie. C'est qu'il faut aimer, j'explique aux auditeurs qui ne connaîtraient pas Last Order. Si vous voulez, Last Order permet déjà de savoir ce qu'il y a au-dessus de Zalem, donc une autre station orbitale qui s'appelle Géru. Voilà, vous avez Jérusalem, vous avez compris. Et donc, avec le système politique qui va avec ça. Mais dans cette saga, il introduit un tournoi de cyborgs qui dure plusieurs tomes. Il raconte l'histoire de la Terre des centaines d'années avant avec des vampires. On passe à la dimension du système solaire, on ne reste pas uniquement sur la Terre. Voilà, il développe des idées sur la nanotechnologie. Donc autant vous dire que je trouve que Gunn Last Order ressemble à Matrix Trilogy des révolutions dans on a les moyens, on va tout balancer d'un coup, quitte à submerger la capacité d'un lecteur ou d'un spectateur à l'appréhender à la première lecture. Après, quand je les ai relus pour préparer l'émission, c'est beaucoup plus digeste avec Gunn. Le final, en fait. Oui, avec le final. Une fois qu'on a le final, on sait où il veut aller, donc on est capable de raccrocher les fils. Mais en lecture, d'autant plus que Last Order, il y a eu un problème en cours de route. Il s'est fâché avec son éditeur. On a parlé tout à l'heure de publier ses Shueisha. Et en milieu, ils lui ont demandé de faire des modifications ce qu'il a refusé. Et donc, il s'est vraiment fâché. Et il est parti, très très rare, en cours de série, chez un autre éditeur. Donc il est chez Kodansha maintenant. Donc il y a eu une interruption de parution pendant un gros temps. Il y a eu des disparitions des étals des librairies dans le monde entier. Il a fallu pilonner tous les bouquins. Glénat, c'était plus de 120 000 exemplaires qui ont été mis au pilon à ce moment-là. Donc bah, c'était ça, ce trou aussi provoque un problème de rythme chez les lecteurs, un décrochage. chez les lecteurs. On le sait, hein, une des clés du succès du manga, c'est la périodicité. Et donc, en perdant ça... Oui, puis en plus, les réseaux sociaux ont accentué la demande du public sur le travail. D'ailleurs, là, je fais une petite parenthèse. Souvent, quand je vois les réactions des fans de certains mangas, je me demande s'ils sont vraiment fans de l'auteur aussi, parce qu'ils veulent sa mort, en fait. Il y a une intolérance totale à la moindre prise de vacances d'un auteur qui ne fait que ça, en fait. Tu veux parler de Eiichiro Oda qui prend un mois, enfin, pour la deuxième fois en 10 ans, de congé, d'ailleurs semi-congé, hein, parce que c'est pour superviser le film Red, et il devait aller visiter le site de la série télé, mais le Covid en a décidé autrement, donc est-ce que c'est vraiment des congés? Et puis il doit préparer l'arc final aussi. Et il doit... En fait, ce qui est intéressant sur ce Gum Last Order, c'est le moment où finalement Kishiro va perdre une partie de son lectorat, puisque les gens vont pas forcément s'y reconnaître, alors que visuellement, je pense qu'il va vraiment au sommet et qu'il y a vraiment des séquences magnifiques. Ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure de à quel point, quand on parlait du fait qu'il n'était pas populaire, ou en tout cas que Gum n'était pas assez populaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un auteur des années 90 qui a finalement très très très peu de mangaka qui ont réussi à survivre à une deuxième œuvre. Souvent, le mangaka a une œuvre phare, et je crois qu'un exemple d'une personne qui a réussi à avoir deux œuvres phares, voire même la deuxième œuvre rattrape la première, c'est Togashi, avec Hunter x Hunter. C'est moins fort que Slam Dunk. Et vraiment, il y a que Togashi qui a réussi ce pari après avoir fait Yu Yu Hakusho, qui était très important, même niveau que Slam Dunk à l'époque, dans les années 90, arrive à faire encore plus fort que ça avec Hunter x Hunter. Donc, ce qui est compliqué, c'est que souvent, pour les mangakas, on se rend compte qu'ils n'existent qu'à travers une œuvre. Et c'est souvent difficile d'arriver à se renouveler. Et je pense qu'il manque à Last Order, c'est un bon Tanto, donc un bon éditeur. Et je pense que peut-être avec la Kodansha c'est plus cool, peut-être pour lui, et qu'il y a peut-être aussi moins de pression. Mais pourtant, Last Order, il y a des choses exceptionnelles d'un point de vue visuel et dans les idées. Il y a des idées à la page, quoi. Même d'un point de vue juste space opéra. Space opéra, oui. C'est génialissime. Mais ça va un peu, ça va partout. Et ce qui est drôle, c'est que ce manga est né d'une frustration puisque il y a 5 ans d'écart qui séparent la fin de Gum et l'arrivée de Last Order. Et en fait, Kishiro voulait absolument terminer Gum. Donc c'est ça aussi, il voulait absolument y revenir. Donc quelquefois, ce que vous êtes en train de dire en filigrane, Loïchiri, c'est que quelquefois, c'est bien aussi de ne pas pouvoir terminer comme on voulait une œuvre pour qu'elle reste... Je pense que c'est... Alors, en tout cas, dans le manga, plus j'avance, plus je me dis que c'est bien aussi d'avoir un bon éditeur derrière soi qui permet d'aller vers des choses. C'est que Dragon Ball, on connaît tous l'histoire. Hein. Dragon Ball, Toriyama a voulu arrêter plein de fois. Oui. Dragon Ball. Le problème, c'est que plus il essayait de faire en sorte que ça s'arrête, plus les lecteurs ils en demandaient. Donc. Et puis des fois même plus c'était bien. Enfin, je sais pas. Il y a certains arcs moi que je trouve exceptionnels dans Dragon Ball. Heureusement que ça a été continué. Mathieu Pinon. Alors juste, j'aurais rajouté une petite couche par rapport à ce qu'a dit Lloyd. Tu peux aussi citer quand même Rumiko Takahashi qui a plus vendu avec Inuyasha qu'avec Ranma 1/2. C'était juste un petit bonus. Et ce qui, je crois que le gros handicap de Gum Last Order pour nous lecteurs français, c'est que c'est, il fait partie de ces mangas. Il y a deux types de mangas. Il y a les mangas qui se lisent mieux en chapitres, chaque semaine, chaque mois, et ceux qui se lisent mieux en tome relié. Et Gum Last Order est typiquement le genre de série qui se savoure mieux quand on prend épisode par épisode, c'est-à-dire qu'après chaque épisode, on a un petit peu de temps pour digérer toutes les informations qu'on a eues et comprendre d'autant mieux l'épisode suivant qui va venir. Quand on se les prend en volume relié, c'est vrai que c'est... Là, c'est vous faites en un jour le buffet que vous auriez dû faire sur 2 mois. Néanmoins, il y a quand même des handicaps à Gum Last Order, et je pense que justement c'est par rapport au personnage de Gally, avec notamment, je crois qu'elle doit changer 3 à 4 fois de corps selon les évolutions, nanotechnologie, etc. Et il y a un moment où on se retrouve face à un personnage, entre guillemets, immortel, c'est-à-dire qu'on a presque plus peur pour elle parce qu'on se dit, oh bah, là elle est coupée en deux, oh c'est pas grave, dans 3 chapitres il y a un espèce de nouveau personnage qui va arriver et qui va dire, hop, ramène-toi, j'ai des nanotechnologies encore mieux, tu vas avoir le corps Imaginos, puis après le corps Imaginos 2.0, enfin, c'est un peu too much au bout d'un moment. Elle est vraiment traitée, mais même, pour le coup, même scénaristiquement, elle est traitée comme un deux sexes machina. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux jusqu'au moment où Gally arrive et où elle doit gagner parce que désormais, on ne peut plus la battre. Mais néanmoins, dans Gum Last Order, il y a des personnes, il y a des passages qui sont super touchants. Je pense notamment à l'arc avec Y et Olympe, qui rappelle justement un petit peu les moments très très émouvants qu'on avait dans Gum même. Alors c'est pas un arc qui est gigantesque, mais sur ce passage-là, je trouve que Kishiro revient un petit peu aux racines premières de Gun avec un côté très, très romantique au sens premier du mot. Bah, pour le coup, je trouve que les Chroniques de Mars, Gun Mars Chronicles, embrassent de nouveau le style premier de Kishiro, c'est-à-dire avec, on sait enfin, on découvre enfin le passé de Gali, celle qui s'appelait Yoko, son enfance sur Mars, et j'ai retrouvé la même âpreté aussi dans la réalité qui est dépeinte. Ah bah dans Gun, alors si vous trouvez que Gun c'était dur, si vous trouvez que Gun Last Order c'était dur, ne lisez pas Gun Mars Chronicle. Si vous voulez voir des petites filles de 8 ans qui se font exploser le crâne littéralement, il y en a, hein. C'est, vous êtes prévenus, c'est quand là on prend plus de gants du tout. On y va bourrin. Hein. L'important, c'est le voyage. C'est pas le but. Et voilà, ça donne ça, envie. Je l'ai pas lu, ça donne super envie. Non, mais il repose la caméra à taille humaine. À taille et donc enfantine on reçoit des protagonistes auxquels on a le temps de s'attacher, des fois de manière très très courte, comme l'a sous-entendu Mathieu. Mais on voit des gens. Et on comprend l'histoire à partir de ces gens. Et c'est plus juste des pions. Et il manie en plus deux époques. Pour pas qu'on ait que ça, oui. Il joue à la fois donc, sur le futur, donc le présent de Gali qu'on connaît à la fin de Last Order, et sur ce passé. Et il le fait vraiment avec brio. Hein. C'est pas des artifices ou autres. C'est très très maîtrisé. C'est aussi impressionnant de voir que il fait, je pense, pas de faux raccords, sauf sur la réécriture de la fin de Gun où il a changé les quelques derniers chapitres. Mais en dehors de ça, sur un univers aussi dense, compliqué... Sur 30 ans. Sur 30 ans, je sais pas combien de post-it il a chez lui pour être sûr de pas se gourer ou s'il s'est fait un tableau Excel ou je sais pas quoi, mais il maîtrise son univers, il a une cohérence et un fond qui sont incroyables et qu'on apprécie d'autant mieux sur Mars Chronicle. Après, alors, il a encore changé de style graphique. Il retourne sur de la rondeur, ça peut surprendre, mais c'est pour accompagner ce côté enfantin. Donc on va se dire, graphiquement j'ai l'impression que je vais ouvrir un Disney et vu ce qu'il y a dedans, non, ça va pas être un Disney. Non. Mais voilà, donc ça peut être trompeur. On peut mettre un chapitre ou deux à s'habituer à ce nouveau trait où là il est encore plus allé sur du full numérique à 4000%. Mais moi j'adore. Et pour ceux qui ont sauté Last Order, il y a des explications, des notes de scénario et des notes de traduction qui expliquent chaque référence. Donc on n'est pas perdu. Et surtout, avec cette émission, ce que j'aimerais, c'est que toute cette génération qui est extrêmement chanceuse, hein, qui lit l'Attaque des Titans, qui parle de banger, de masterclass, de goat. Alors, c'est des mots qu'on n'utilise plus trop maintenant. Banger et tout. Ça y est, c'est déjà dépassé. Bon, bah, enfin bref, bah, moi je suis. Maintenant, il nous a mis Gucci. Ah voilà. Ouais, bah, t'étais déjà un radio boomer. Un radio boomer. Je l'ai toujours été. Je l'assume. Mais voilà, il y a aussi, il y avait des œuvres qui dramaturgiquement étaient déjà très très fortes et qui sont toujours accessibles en bibliothèque, en médiathèque ou même à l'achat, hein, n'hésitez pas. Et Gun Last Order et Gun Mars Chronicles, ça reste une énorme fresque de science-fiction qui dit des choses pertinentes sur le ici et maintenant, sur les luttes de politique qu'on peut connaître, sur les enjeux climatiques, sur la masculinité toxique, sur la différence, sur la transhumanité, bref, lisez Yukito Kishiro. Il a l'humilité de se présenter lui-même comme quelqu'un qui ne sait pas trop bien dessiner, qui n'est pas très populaire, mais vraiment, vraiment, son œuvre mérite largement mieux que les adaptations qui en ont été faites, dont on n'a pas assez parlé, mais finalement, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait en dire. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission. Valentin Paco, Lloyd Cherry, Jérôme Lachasse, Mathieu Pinon. C'est la fin. Ce blockbuster a été réalisé par Étienne Bertin. Il a été préparé par Emma Ferret et aujourd'hui à la technique, et on le remercie, Alexandre Chenet. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Ok, ok. Essaie de pas bouger. Bouge pas, ça va aller. Je vais te faire remonter, ok? Merci de m'avoir sauvé. Je t'aime, Hugo. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.